So, Hélène asks what the jam is, and the waitress replies, C'est de la confiture de prune. But George has his doubts. We'll come back to that jam in a moment, but first, practice using the question, Qu'est-ce que c'est? You're going to hear some questions. In the pause, repeat the question, then reply to it. Écoutez cet exemple. Yes, listen to this example. Abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? Here you repeat the question and then reply to it. You'll then hear the correct answer like this. En anglais, c'est apricot. And in the pause that follows, repeat it. And as usual, whenever you repeat something, copy the intonation. Oui, copier l'intonation. Ready? D'accord. Abricot. Qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est apricot. Rez-de-chaussée, qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est ground floor. Jam, qu'est-ce que c'est en français? En français, c'est confiture. Fromage, qu'est-ce que c'est en anglais? En anglais, c'est cheese. Dining room, qu'est-ce que c'est en français? En français, c'est salle à manger.